La science CQFD, Natacha Triou. Les éditions Les Arènes publient un nouvel essai, Médecines alternatives et complémentaires, qu'est-ce qui marche ? Toutes les pratiques qui n'entrent pas dans le cadre de la médecine classique sont-elles bonnes à jeter ? Il y a celles qui peuvent faire sourire, s'exposer à la lumière ou boire son urine pour guérir. Et puis celles très répandues et populaires, l'homéopathie, l'acupuncture, le jeûne. Au moins un Français sur deux a déjà eu recours aux MAC, les médecines alternatives et complémentaires. L'Organisation mondiale de la santé en dénombre plus de 400. Si certaines ont fait leurs preuves, un grand nombre se montrent inefficaces, tandis que d'autres impliquent des dérives sectaires qui peuvent mettre en danger la vie des patients. Comment faire le tri parmi les MAC ? Médecines alternatives et complémentaires, pourvu qu'elles soient douces. Bruno Falissard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Saclay, directeur du CESP, le Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations. Et une voix familière aux auditeurs de France Culture, bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Natacha. Vous êtes journaliste scientifique et productrice de la chronique Avec Science sur France Culture, chaque matin et chaque après-midi ici dans la science CQFD, et la co-autrice du livre Médecines alternatives et complémentaires, un livre co-écrit avec vous, Florian Gouthière, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique à Libération, également l'auteur de Santé, science, doit-on tout gober ? C'est paru en 2017 chez Belin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct à toute heure en podcast sur franceculture.fr. Mais aussi, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors pourquoi certains patients quittent-ils la médecine dite classique au profit d'autres médecines ? Quels en sont les risques ? Quelles sont celles qui peuvent se révéler dangereuses et celles qui ont fait leurs preuves ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. On commence avec un bel exemple de médecine parallèle, la vertébrothérapie. On est en 1964, c'est notre archive du jour. La vertébrothérapie se heurta longtemps au scepticisme de tout le corps médical et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que la vertébrothérapie va enfin avoir droit de cité en France. Elle le devra à une personnalité exceptionnelle, le docteur André de Sambucy, qui dès 1944 crée un premier service de vertébrothérapie dans un centre d'accueil pour enfants délinquants. Docteur André de Sambucy, avant d'en venir à cette méthode de soins, je voudrais savoir pourquoi cette thérapeutique, la vertébrothérapie, a été créée. Et je crois que vous attachez surtout une grande importance à la colonne vertébrale dans la genèse des maladies, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est-à-dire que nous ne pensons pas que la colonne vertébrale soit la seule à créer les maladies, mais étant donné que la colonne vertébrale est en rapport avec tous les organes, la colonne est pour nous un outil dont nous nous servons pour traiter tous les organes bloqués, c'est-à-dire finalement toutes les maladies ou la plupart des maladies. Nous avons commencé par le rhumatisme et à l'occasion du rhumatisme et en même temps que nous traitions les rhumatisants, nous sommes aperçus que l'amélioration de la colonne, si l'on peut dire venue pour le rhumatisme, entraînait l'amélioration d'autres syndromes et d'autres maladies qu'avaient les gens et dont ils ne nous avaient pas parlé. C'est-à-dire par exemple que l'individu qui vient pour une cinquième lombaire, pour une sciatique, pour un bas de dos fatigué ou écrasé, eh bien, ce client, quand nous examinons sa colonne vertébrale, présente autre chose. Et cette autre chose, nous le trouvons en mettant le pouce successivement sur toutes les vertèbres. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut dire que chez l'homme adulte, chez l'homme de 30 à 50 ans, quand on arrive sur les vertèbres intestinales, on fait sursauter le client. Pourquoi ? Parce qu'il a un ulcère d'estomac en puissance, ou guéri, ou en évolution. Et à cette occasion-là, on l'améliore aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que chaque vertèbre a un organe auquel il correspond. À chaque organe correspond une ou plusieurs vertèbres. Voilà la voix du docteur André de Sambucy à propos de la vertébrothérapie en 1964 sur la ORTF. Bruno Falissard, on a là un beau cas d'école. Oui. Alors, d'abord, il y a une personnalité forte. Et souvent, ces soins alternatifs reposent sur une personnalité qui les crée charismatique et dont vous voyez derrière le fait qu'il peut y avoir une dérive sectaire, un gourou, etc. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais enfin, c'est un risque. Il y a un deuxième point, c'est une théorie qui explique tout. Et ça aussi, on le retrouve beaucoup dans les thérapies alternatives. Et c'est simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a des maladies, mais il y a quelque chose, le rachis, qui explique tout. Et dans beaucoup de thérapies comme ça, c'est le cas. Alors après, néanmoins, ça guérit l'estomac. Et là, moi, je dirais, peut-être. C'est-à-dire que peut-être qu'en massant des gens et en leur parlant, peut-être qu'ils ont moins mal à l'estomac. Mais ça n'a rien à voir avec le rachis. Alexandra Delboue, votre réaction à l'écoute de cette archive? Alors, je ne connaissais pas tout à fait, mais ça me fait penser plutôt à la réflexologie, le fait que sur la plante des pieds, on puisse avoir des liens avec les organes. Donc, c'est la première chose. Je rejoins totalement Bruno sur l'aspect... En fait, là, on a un exemple du plus gros risque qui existe, c'est-à-dire une toutothérapie. C'est-à-dire que ça soigne tout le temps, en fait, par n'importe quel biais. Et il y a un autre élément un petit peu savoureux, c'est qu'on entend que le patient pourrait ne pas s'être rendu compte d'un des symptômes. C'est-à-dire que c'est le thérapeute qui se rend compte d'un des symptômes pour expliquer une pathologie. Autre élément savoureux également dans cette archive, qui commence par, et je voudrais vous faire réagir là-dessus également, Florian Boutière, hein, une thérapie qui se heurte au scepticisme et qui finalement s'avère être un remède miracle. Ben, c'est ça, généralement. On parle de thérapie alternative, enfin de médecine alternative, c'est presque un oxymore. C'est plutôt des pratiques qui se présentent comme des alternatives à la médecine. Une alternative, ça veut dire quelque chose qui n'est pas ce qu'on vous propose. Ça n'est pas de la médecine, c'est quelque chose qui, on a dit, qui est totalisant. Vous avez la médecine qui propose des choses très compliquées. Vous allez voir un spécialiste de l'estomac, un spécialiste des vertèbres. Là, en allant voir un spécialiste des vertèbres, il va vous guérir de tout. C'est l'alternative à l'ensemble de toute la médecine. Et donc, on est vraiment dans le cas de la médecine alternative par essence. Là, il propose de toucher les vertèbres pour guérir des organes. On retrouve ces prétentions dans l'ostéopathie, on la retrouve dans la chiropraxie. C'est des conceptions qui sont très anciennes et qui viennent d'une époque où on ne connaissait pas les maladies infectieuses, où on ne savait pas à quel point un ulcère pouvait être lié à des choses, à des bactéries ou des choses comme ça. On est face à une ignorance et quelque chose qui essaye de tout expliquer. Vous dites le nom de médecine alternative est trompeur. D'ailleurs, le Conseil national de l'Ordre des médecins préfère parler de pratiques de soins non conventionnels. De quoi parle-t-on quand on parle de MAC, Alexandra Delboue? Justement, il y en a 400 recensés par l'OMS. Et donc, c'est presque un petit peu difficile de les classer en tant que tels. Comme vous disiez, avec l'Ordre des médecins qui demande justement qu'on l'appelle pratique de soins non conventionnels, il faut traduire ce que c'est soins conventionnels, donc on arrive toujours un petit peu par opposition. Il y a plein de catégories différentes, si on voit les thérapies naturelles, plutôt les régimes, les thérapies manuelles, celles qu'on appelle traditionnelles, celles qu'on appelle thérapies par l'esprit. On voit qu'il y a des pratiques qui sont très hétérogènes, avec des fondements en fait théoriques qui sont très hétérogènes aussi. On peut pas comparer les fondements de la naturopathie à celui de l'hypnose, par exemple, ou celui de la détox à la phytothérapie. On voit qu'il y a des choses extrêmement différentes. Un des points communs, et vous rappeliez un chiffre en début d'émission, c'est que tout le monde le pratique. C'est-à-dire, à un moment ou un autre, on a tous fait usage des MAC, qu'on appelle MAC, donc médecine alternative et complémentaire, sans le savoir potentiellement. C'est-à-dire que des granules d'homéopathie, ça a été très plébiscité en France pendant longtemps. On a la petite tisane détox, en fait, d'un côté. On a l'ostéopathe de famille qu'on va voir une fois par an. Donc, on voit que l'hypnose pour arrêter de fumer, qui revient un petit peu. Les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, une cure de magnésium, en fait, pour passer l'hiver. Donc, on voit qu'en fait, un des points communs qu'il y a pour les définir, c'est que on a tous et toutes déjà pratiqué au moins une fois, à un moment donné, c'est MAC. Et puisque l'homéopathie, compléments alimentaires, enfin, tout ça, c'est des produits pharmaceutiques, donc on a des chiffres de vente. Mais quand même, Bruno Falissard, comment on peut mesurer ça, l'engouement des Français vers les médecines complémentaires? D'abord, on ne le mesure pas vraiment, parce que vu que nous tous autour de la table, nous pouvons nous installer naturopathe ou tout ce qu'on veut demain, et donc du coup, qui fait quoi, etc., donc c'est un chaos complet. La réalité, c'est que cette émission existe et qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de nos concitoyens qui s'intéressent à cette question. Et je pense que l'après-Covid, forcément, y a joué. Et puis, je pense qu'aussi notre médecine est en grande difficulté et que de nos concitoyens qui sont patients vont voir ailleurs et donc ils se posent la question. Alors ça, là, par exemple, c'est un sondage, c'est pas de la vraie épidémiologie, mais selon le sondage d'Odoxa, en 2023, presque 44% des interrogés considèrent que la médecine alternative est plus efficace que la médecine. Florent Boutière. Ben oui, il faut se demander pourquoi, qu'est-ce qui participe de ça. Et il y a pas mal de facteurs. Il y a le fait que lorsqu'on va voir son médecin, déjà il faut avoir son rendez-vous, il faut pas être dans un désert médical. Et puis les réponses qu'il va nous donner sont parfois insatisfaisantes. Le diagnostic, il peut y avoir une errance diagnostique. Ça peut être très long. Et si on a des problèmes de dos, bah, il va falloir prendre rendez-vous chez le kiné. Alors qu'à côté de ça, fleurit plein de gens qui se sont en reconversion professionnelle, qui mettent leur petite plaque qui ressemble à une petite plaque de médecin dans les rues, le géobiologue, le réflexologue, le naturopathe, qui sont disponibles extrêmement facilement, le rendez-vous extrêmement facile à prendre, pas besoin d'ordonnance. Et là, ils vous diagnostiquent ce que vous voulez, ou ce dont vous avez besoin, et de façon... sur des critères qui sont les siens, et bah vous avez des réponses à des problèmes, voire même vous avez des problèmes sur lesquels il va vous proposer des réponses. Ça fait partie du jeu, et on a besoin tous de, enfin il y a une tendance aujourd'hui à vouloir redevenir acteur de sa santé, à vouloir jouer un rôle dans nos choix, de participer aux décisions du médecin. Et là on est dans une situation où on peut choisir. Il y a une offre pléthorique dans la rue, sur ce mur où il y a une dizaine de praticiens dans ma ville, c'est ça, il y a une dizaine de praticiens en bas de chez moi qui proposent plein de choses très très très variées. J'ai qu'à faire mon choix. Et Alexandra Delbo, cet engouement pour les MAC, c'est aussi donc ce que vous êtes en train de dire, la mise en exergue des défaillances du système de santé français et des carences de la médecine conventionnelle. Il y a une crise de confiance aussi, on en a parlé plusieurs fois en fait dans cette émission ici. Il y a eu il y a eu la crise sanitaire, on peut pas le mettre de côté. Il y a eu plein de scandales en fait, l'affaire du sang contaminé, le Mediator, l'Androcure, on va en parler aussi bientôt avec une nouvelle affaire en fait qui sort. Donc on sent cette crise de confiance. Il y a aussi une moindre disponibilité. Il y a les déserts médicaux, en fait, évidemment. Et donc, du coup, les MAC peuvent s'engouffrer un peu dans cette brèche-là. Et puis, il y a un renouveau aussi, peut-être, côté de casser un peu la symétrie du paternalisme médical, c'est-à-dire le fait de casser ce rapport entre les soignants soignés, c'est-à-dire voir autrement, en fait, le soin. Et il y a aussi tout l'enjeu du mieux-être, en fait, qui est un mot qui ressort souvent, et là où on sort du simple soin. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi faire la différence entre ce qui relève de la maladie, de la pathologie, du symptôme, et puis ce qui a en relation à être, se sentir mieux, en fait, dans sa vie, dans sa santé. Oui, vous évoquez également le manque de temps et d'écoute chez les praticiens. En fait, la rencontre et la parole sont quand même à la base de la médecine, et comme c'est pas bien pris en compte, ou pas pris en compte du tout, les charlatans font leur beurre, on peut dire ça aussi, Bruno Falissard. Oui, alors ce qui est compliqué, c'est que, en fait, un médecin n'a pas pour objectif unique de guérir une maladie. Il a à s'occuper d'un patient. Et que, en fait, quand vous allez voir un médecin, tout d'un coup, vous réalisez qu'un jour, vous allez mourir. Et ça interpelle les humains. En fait, on ne parle jamais de ça. Parce qu'alors, il faudrait du temps, bien sûr. Mais en fait, les médecins ne sont pas formés à parler de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui interpelle chacun de nous dans notre spiritualité, dans notre rapport au sens, etc. Si effectivement le médecin doit taper sur son ordinateur les dernières recommandations de la HAS pour qu'il puisse être rémunéré par le SROS, etc., et que c'est un peu difficile de parler de la mort, il va pas le faire. Et donc le patient, lui, il a besoin de réponses par rapport à ça. Et il va trouver des gens qui ont des réponses qui reposent sur des bases totalement non scientifiques, mais la question de la mort, c'est pas qu'une question scientifique. Par rapport à Alexandra Delbo, oui. Oui, sur ce temps alloué, justement, quand on fait la distinction entre ce que peut être le temps d'une consultation chez un médecin généraliste, grosso modo, ça peut osciller entre un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, je pars sous votre contrôle, Bruno. Chez un naturopathe, grosso modo, la première séance, c'est entre 60 et 90 minutes. Et on voit que là, tout se joue, en fait, sur cette question-là, sur cette question du temps alloué et de la formation, mais aussi du temps de pouvoir parler d'autre chose, de est-ce que tout va bien, est-ce que tous les symptômes vont bien, et pouvoir parler peut-être de l'anxiété, du mieux-être, de comment ça va, en fait, plus simplement. On a quelque chose de commun dans toutes ces pratiques, c'est quand on a des témoignages de personnes qui vont voir les praticiens, c'est la bienveillance dont ils font preuve et l'écoute dont ils font preuve. Et c'est des leviers extrêmement puissants pour moduler le stress et ça va avoir des effets mesurables qui sont les effets d'une prise en charge bienveillante et attentive. Après, voilà, ça va être toute la difficulté de différencier les effets de cette modulation du stress des effets propres d'une vraie thérapie. Alors, quels risques les MAC peuvent-elles représenter? Comment évaluer, comment prouver l'efficacité d'un traitement? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Bruno Falissard, Alexandra Delbo et Florent Gouttière, nous parlons des médecines alternatives et complémentaires, les MAC. On vient parler de ces patients qui cherchent des solutions aux limites de la médecine conventionnelle. Phytothérapie, aromathérapie, sophrologie, acupuncture, homéopathie. Les médecines alternatives sont-elles efficaces et font-elles plus de mal que de bien? Dans votre ouvrage, Alexandra Delbo et Florent Gouttière, vous avez examiné la littérature scientifique qui existe autour de 26 MAC différentes. Parmi les plus populaires et les plus répandues, l'objectif de ce livre, c'est de donner accès aux lecteurs aux résultats de ces synthèses scientifiques. Exactement, et de pointer en fait les risques, mais surtout de se dire comment reconnaître un risque. C'est un petit peu tout l'enjeu. Autour de ça, donc bien sûr, on a travaillé donc un peu MAC après MAC. Donc il y en a 26, on n'a pas pu faire les 400, et puis surtout on s'est focalisé sur celle qui était le plus populaire en fait en France. Et c'est aussi un point important, ce qui diffère un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise faite en France ou en Chine évidemment. Derrière ça, il y avait l'enjeu de regarder qu'est-ce qui marche, mais surtout de questionner qu'est-ce que ça veut dire ça marche. Et là, je pense que c'est vraiment à l'intérieur de ça où on ancre un petit peu toute l'évaluation. Et autour de ça, il y a aussi l'aspect de l'histoire en fait de chaque MAC. Et on en apprend pas mal en fait par rapport à l'histoire des médecines alternatives. Comprendre que par exemple la médecine traditionnelle chinoise est pas ancestrale du tout, l'Ayurveda non plus. Elles datent toutes les deux des années 80. Et donc ça, c'est un premier enjeu. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de reconnaître les risques. C'est-à-dire de se dire comment est-ce que je peux pratiquer des MAC en toute sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire reconnaître ce qu'est une perte de chance ou une retard de soins. Donc, une perte de chance et retard de soins, c'est quand je vais arrêter ou mettre de côté un traitement qui est bénéfique et indispensable, en fait, pour ma santé. Il y a les dérives sectaires dont on va forcément parler. Il y a une interaction médicamenteuse avec, par exemple, les médicaments que je prends. Voilà. Tout ça, c'est un peu des clés qu'on donne pour reconnaître quels sont les risques et dangers et comment lire, en fait, et lire une efficacité et comprendre si une thérapie est efficace ou non. Voilà, c'est l'objectif, chercher, vérifier les fondements scientifiques derrière ces thérapies. Alors là, on en était sur les risques. Là, on est sur des risques assez immédiats, mais il y a aussi des risques qu'on pointe du doigt, qui sont les risques d'apprendre à force de faire confiance à ces MAC une vision de la biologie qui est complètement fausse. Les thérapies énergétiques vous donnent une image de comment fonctionne votre corps, une image de la physiologie, une image de votre estomac, comment tout ça fonctionne, qui est fausse, dont on a vraiment des preuves. Voilà, les sciences ont avancé, on a des connaissances en génétique, on a des connaissances, la dissection est passée par là, on sait comment ça marche. Et ces fausses représentations, elles vont avoir des conséquences lorsqu'on a à faire des choix importants. Effectivement, pour des tout petits bobos, pour des maladies qui se guérissent toutes seules, où seul l'effet du temps, finalement, où l'effet du temps est l'essentiel de l'efficacité qu'on constate, ça passe quand je suis allé voir mon éthiopathe, mon magnétiseur. Mais le jour où j'ai un vrai problème, où je fais une radiothérapie, je me dis, le coupeur de feu qui m'a fait disparaître mes verrues, ou à qui j'attribue en tout cas la disparition de mes verrues, peut-être qu'il va pouvoir me soulager. Et petit à petit, il y a ce risque, ces fausses représentations, de nous amener à faire de mauvais choix le jour où on en a vraiment besoin. Bruno Falissard, sur ces risques justement, et ce risque majeur qui est le retard dans la prise en charge, voire l'arrêt total d'une prise en charge médicale pour la remplacer par une MAC. Oui, bien sûr. Alors, vous parliez d'efficacité tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Qu'est-ce qui marche? Figurez-vous que c'est très compliqué de savoir si un soin, ça marche ou pas. Parce que marcher, ça veut dire quoi? Est-ce que ça marche théoriquement? Est-ce que ça marche statistiquement? Est-ce que ça marche pour mon patient que j'ai en face de moi? Ou est-ce que ça a la réputation de marcher? Et en fait, aujourd'hui, un médecin, il se sert des quatre. Alors, le premier, c'est Claude Bernard, au 19e siècle, qui dit « Un traitement est efficace quand on a trouvé la cause de la maladie et que le traitement, il agit sur la cause. » Et alors c'est fantastique parce qu'avec les antibiotiques, eh ben, la tuberculose, la syphilis, on voit qu'il y a un microbe, une bactérie, et l'antibiotique tue la bactérie, on guérit le patient, et c'est vrai. Donc ça marche. Et puis en fait, après la Seconde Guerre mondiale, eh ben, le cancer du poumon, la cause c'est le tabac. Ben oui, une fois que vous savez ça, ben, ça ne sert à rien pour soigner les patients. Et donc le traitement, il ne va pas agir sur la cause. Le traitement, il va être statistique et on va essayer de voir donc de la radiothérapie. Et vous voyez comme ça, il y a des espèces de champs épistémologiques, c'est un gros mot, mais ça veut dire que des scientifiques vont s'engager dans des directions pour penser le fait que ça marche. Mais à la fin, nous médecins, on a un patient en face de nous. Et quand on sait qu'un traitement, il marche en moyenne, ben en fait, sur Madame Martin, ben on ne sait pas si ça va marcher. Et puis si jamais ça marche, on n'est même pas sûr que c'est le traitement qui a fait qu'elle a guéri. Donc vous voyez, là aussi, ça incite à avoir beaucoup d'humilité. Le mécanisme d'action, c'est très important. Les statistiques, c'est très important. Si on n'avait pas ça, ça serait une catastrophe. Mais dans la réalité du soin, en fait, on sait bien peu de choses. Oui, selon vous, il faut donc accepter qu'en médecine conventionnelle, il y a des choses qui fonctionnent sans qu'on comprenne pourquoi, et de l'autre aussi, accepter qu'en médecine non conventionnelle, il y a des choses qui fonctionnent aussi. Eh ben exactement. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, 50% des soins proposés en médecine générale ont un niveau de preuve très faible, qui repose sur des dires d'experts. Les niveaux de preuve forts que l'on souhaitait tous, vous avez parlé d'essais randomisés tout à l'heure, où on tire au sort les soins pour savoir statistiquement s'ils sont meilleurs qu'un placebo, c'est pour 20% des soins qu'on propose seulement. Donc, et c'est, heureusement, c'est pour les soins les plus importants. Donc oui, il y a des soins que nous utilisons et qui ne sont pas strictement prouvés. Et puis, de l'autre côté, ben, il y a des médecines bizarres, d'ailleurs que j'appelle pas médecine, effectivement, qui sont des soins bizarres, mais qui peuvent rendre service aux patients. Justement, par rapport à ces essais randomisés, hein, par rapport au niveau de preuve dans la médecine traditionnelle, en médecine, l'approche qui est considérée comme la plus utile, c'est celle donc, de l'essai contrôlé par placebo randomisé en double aveugle. Alexandra Desbeaux peut peut-être un peu aussi éclairer ça, justement, sur ces méthodes d'évaluation. Justement, un essai clinique, c'est le fait, on va résumer un petit peu, et vous allez tous me corriger si je me trompe, mais on va prendre deux groupes de personnes, d'individus auxquels on va faire quelque chose. Donc c'est le concept un petit peu interventionniste qui est important. Et là, ça diffère des études observationnelles, où on observe seulement. Donc il y a ce premier fait, on va les mettre au pif à droite et à gauche, c'est la randomisation. On va faire des doubles aveugles, c'est-à-dire que personne ne sait qui reçoit tel traitement, et on va faire un groupe qui va recevoir le traitement et un autre qui va recevoir le placebo. Dans tout ça, on voit, donc ça c'est le gold standard, c'est l'étalon d'or, donc c'est le meilleur du meilleur. Dans tout ça, on voit déjà qu'il y a beaucoup de strates à remplir, ça demande énormément de temps, de gens et d'argent, il y a un aspect de coût. Bruno Falissard, je vous avais entendu une fois parler d'un coût d'un essai clinique moyen à la louche. Maximum, non, c'était maximum 200 millions, je dis juste. Donc on voit en fait ce que ça représente, et on ne peut pas faire ça pour tout, en fait, c'est aussi une réalité, Mac ou pas Mac en fait, si on met ça de côté. Donc déjà, il faut pouvoir le financer, et on voit qu'à chaque étage, en fait, quand on retire un étage et qu'on ne peut pas faire une des choses, donc soit le double aveugle, soit le placebo c'est presque le plus difficile, mais si on enlève un étage, eh ben on perd en force. Et si on perd en force, eh ben ça veut dire qu'il va falloir plus de ces études mises les unes avec les autres, en fait, pour avoir un niveau de preuve plus fort. Et on voit qu'en fait, c'est un peu la limite de toute la question quand on parle d'évaluation. Et ensuite, l'autre point important, c'est que un essai clinique seul, tout seul, en fait, qui montre quelque chose avec 20 autres essais cliniques qui ne montrent pas la même chose, ben, la force de la preuve, on voit que c'est pas la même. Donc, il faut en plus agréger, en fait, ces niveaux de preuve forts, ces essais cliniques forts, pour avoir des méta-analyses, donc des analyses d'analyse, des études d'études, pour aller dans la même direction. Et finalement, ce qu'on cherche, c'est pas tant le résultat d'une étude, mais un faisceau de preuves. Une étude isolée ne prouve rien, parce que dans toutes les pratiques, il peut y avoir un petit aléa statistique. L'exemple que je donne souvent, on peut imaginer que si on fait une étude pour tester un médicament sur des souris, on a 10 souris qui sont bien portantes, 10 souris qui sont mal portantes, dans tous les labos qui font cette petite expérience qui coûte pas cher. Et puis, dans un des laboratoires, il y en a un qui va mettre les souris qui étaient déjà un peu moins bien portantes. Tous dans le groupe où on va tester la simulation de traitement, celles qui sont déjà bien portantes, on teste le traitement, et même si le traitement n'a pas d'efficacité, à la fin, on va voir qu'il y a quand même un groupe de souris qui va mieux, parce qu'elles allaient déjà mieux au début. Et ça va représenter quoi? Ça va représenter un laboratoire sur 20. Qu'est-ce qui se passe si ce laboratoire, il a un résultat enthousiasmant? Donc, il va le publier. Les autres, ils disent, a priori, ça marche pas, est-ce qu'on va perdre notre temps à publier quelque chose? Ça prend du temps de publier. Donc, on se retrouve avec une partie de la littérature qui n'est pas produite, un savoir qui n'est pas produit, les études qui disent, ça marche pas. Et puis, toutes les études très enthousiasmantes où on a une illusion d'un phénomène qui vont être publiées. Ça, heureusement, il y a des outils pour le détecter. Le fait de pré-enregistrer les études, de dire, nous sommes en train de mener une étude sur certaines bases de données, permet après d'enquêter pour voir qu'est-ce qui a vraiment été fait. Mais il faut aussi se méfier quand on fait des synthèses d'études, des méta-analyses, qu'on analyse bien tout et non pas juste ce qui a été publié, sinon on est le jouet d'une illusion. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études ou de méta-analyses pour vérifier l'efficacité de l'urinothérapie ou de la médecine quantique. Mais par contre, on peut s'intéresser à l'ostéopathie, qui est en France la médecine complémentaire la plus répandue. Il y a un rapport de l'INSERM sur l'efficacité de l'ostéopathie. Alexandra Delvaux, quelles en sont ses conclusions? Vous demandez à Bruno Falissard justement sur la question. Mais en gros, les conclusions, c'est que si on décrit un peu rapidement l'ostéopathie, il y a l'ostéopathie musculo-squelettique. Donc c'est celle qu'on connaît plutôt tous en fait sur justement les douleurs, le dos, les muscles. Il y a l'ostéopathie viscérale. Là on entre dans autre chose. C'est vraiment sur le fait de remettre les organes au bon endroit entre guillemets. Et l'ostéopathie crânio-sacrée, donc qui touche à la base en fait du crâne. On voit que c'est trois éléments très différents. Et là pour lequel on a eu une efficacité semblable à la massothérapie, à la kinésithérapie. C'est pour l'ostéopathie musculo-squelettique. Et c'est le seul. Pour le reste, en fait, on n'a pas ces niveaux de preuves-là. Et aussi parce que ce sont des fondements qui sont extrêmement différents. Oui. Alors, c'est assez. En fait, les fondements même de l'ostéopathie en général, même musculo-squelettique, ce sont des fondements qui sont assez, assez rigolos quand on remonte. Enfin, rigolo, plutôt relatif, mais quand on remonte dans le temps, l'inventeur de l'ostéopathie, en 1874, il dit le corps est une machine parfaite créée par Dieu, et donc toute imperfection, tout décalage va produire des maladies. Il suffit de remettre ça d'aplomb et on guérit les maladies. Y compris l'homme à une machine, voilà. Et donc, typiquement, il disait un enfant qui a la diphtérie, il suffit de le secouer, et puis la maladie va disparaître, tout simplement. Et ça persiste dans l'enseignement de l'ostéopathie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va avoir, en fait? C'est que tout ce qu'un ostéopathe fait, que fait aussi un kiné, on a la même efficacité qu'un kinésithérapeute, donc pour tout ce qui est trouble musculo-squelettique, mais tout ce qui va être surajouté, toutes les choses qui sont spécifiques et exclusives à l'ostéopathie, n'ont pas fait leur preuve, même dans les troubles musculo-squelettiques. Donc, on est dans une situation où quand on a, par exemple, quelqu'un qui nous dit « Ah, je suis allé voir un ostéopathe formidable », peut-être qu'il nous a fait ce que n'importe quel kiné compétent aurait fait. On peut aussi se trouver dans cette situation où on peut être passé devant un kiné du sport un peu bourrin, qui nous a pas fait ce qu'on espérait, et un ostéopathe qui va faire ce que font la plupart des kinés dans cette situation, qui vont mobiliser nos articulations et avoir les résultats attendus. Et c'est là où on va peut-être se tromper d'attribution. On va dire « Ah, l'ostéopathie a fait des merveilles », alors que la partie spécifique à cette théorie ostéopathique n'est pas mobilisée. Bruno Falissard. Oui, alors, il y a quelques années de cela, j'avais reçu une ostéopathe qui travaillait à l'hôpital Robert Debré, qui était une excellente clinicienne, et qui m'avait dit, en parlant des ostéopathes, leurs mots sont faux, mais leurs mains sont justes. Et je trouve ça assez profond, c'est que je suis persuadé que dans beaucoup de cas, ce que font les ostéopathes avec leurs mains, en fait, améliore l'état de santé de leurs patients. Mais la théorie sous-jacente est une théorie magico-spirituelle qui ne repose pas sur des bases positives au sens du positivisme. Alors la question, c'est est-ce que c'est grave ? Alors certains vont dire, si les patients vont mieux, c'est pas grave. On va dire, mais quand même, le fait de reposer un soin sur des bases un peu bizarres, c'est gênant. Oui, c'est gênant parce que ça empêche le progrès. Et c'est ça qui est grave. C'est que quand vous vous enfermez dans une théorie un peu magico-spirituelle, c'est pas réfutable parce que c'est comme ça. C'est une position quasiment divine, c'est un savoir qui est écrit dans un livre, on ne peut pas le critiquer. Et donc ça ne peut pas progresser. Alors que si c'est une théorie scientifique sous-jacente, alors par essence, la science, ça se critique, ça se réfute et ça permet de progresser. Juste dans le même ordre d'idée, il y a le cas de la chiropraxie qui repose, elle aussi, sur des théories un peu magiques, mais en 2017, il y a la collaboration internationale pour l'éducation chiropractique qui s'est réunie et qui a regardé tout le monde dans les yeux et dit, mais en fait, la base de la chiropraxie, la subluxation vertébrale, eh ben, ça n'existe pas, il faut arrêter de l'enseigner. En fait, elle a dit, on va mettre à la poubelle la base de ce qui définit la chiropraxie. Donc les jeunes chiropracteurs qui sont formés depuis 2017, en tout cas en Europe, on leur dit que ça, cette théorie ancienne, magique, spirituelle, ça repose sur rien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ceux qui sont formés aujourd'hui, ils font quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la kiné. Bon, on a des Macs qui ont fait leurs preuves. Alors est-ce que des pratiques qui font leurs preuves en médecine alternative peuvent intégrer les pratiques plus conventionnelles? Restez à l'écoute. Annalie, the healer. Healer with the healing hands. Makes you well as quick as she can. Love to see those smiling eyes of Annalie. From a Himalayan mountainside up in Rishikesh. To a California beach house facing towards the sea. Goes a gal who got her fame by going round to healing folks. Annalie, Annalie the healer. Healer with the healing hands. Makes you well as quick as she can. When she gets a chance to help someone, she's really happy. If you trust her with your ill, she'll quickly make you see. She can fix things up for you just like she did for me. Annalie, Annalie the healer. She cures people. Annalie, The Healer des Beach Boys en direct sur France Culture, car nous parlons des guérisseurs, ou plus exactement des médecines alternatives. Nous parlons des MAC. On en parle avec nos trois invités du jour. Bruno Falissard, psychiatre, professeur de santé publique à l'université Saclay, directeur du CESP. Alexandra Dalbo, journaliste scientifique et productrice sur France Culture, et la co-autrice de Médecine alternative et complémentaire. Qu'est-ce qui marche? Un livre co-écrit avec Florian Gouttière, journaliste scientifique à Libération. On a parlé d'une large parallèle de pratiques de soins non conventionnels. On peut parler à présent de celles où on a des preuves, des faisceaux de preuves avérés d'efficacité. On peut parler de l'EMDR, cette psychothérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques des patients. L'EMDR, Bruno Falissard, c'est intéressant parce qu'il y a une efficacité dans certains cas, mais alors pourquoi ça marche? Oui. Il y a plein de produits. Le paracétamol, on en a tous pris, on ne sait pas comment ça marche. Alors, le MDR, c'est amusant parce que quand il est arrivé en France, je dirais il y a une trentaine d'années de ça, peut-être même plus, le collègue qui revenait des États-Unis, qui était un peu farfelu, me dit « Ah, t'as vu, il y a ça, etc. Ça marche, le syndrome de stress post-traumatique, on bouge les yeux. » J'ai dit « Écoute, c'est très bien, mais au fond de moi, je pensais que c'était n'importe quoi. » C'est-à-dire bouger les yeux pour faire partir un syndrome de stress post-traumatique qui est un truc terrible. Eh bien, 20 ans après, il y a des études qui montrent que ça a une efficacité. Oui, c'est ça, Alexandra Dalbo. L'efficacité de l'EMDR pour les troubles du stress post-traumatique est avérée, mais pas pour d'autres troubles. Oui, et c'est peut-être ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça a été évalué pour une indication particulière. C'est-à-dire que contrairement à d'autres, on va dire, pratiques non conventionnelles, c'est que ça n'avait pas vocation à tout soigner. C'était très précisément fait pour ce syndrome-là. la thérapie en elle-même était un peu étonnante, comme vous dites. Mais ce qui a été montré aussi, c'est que c'est pas tant cette stimulation bilatérale, donc le fait d'avoir le doigt, de suivre le doigt des yeux de droite à gauche. Il peut y avoir aussi des stimulations auditives, il peut y avoir des stimulations corporelles, donc toucher par exemple un genou à droite et à gauche. Et on voit qu'en fait, c'est pas tellement la manipulation qui compte que ce protocole particulier qui a autant d'efficacité pour ce qu'en disent les études que d'autres TCC. Donc les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Et donc c'est toujours en comparaison avec ce corpus-là de littérature que ça a été fait. Et en fait, on voit que beaucoup de gens disent que si ça se trouve, l'EMDR n'est qu'une thérapie cognitive et comportementale avec un protocole autour qui finalement n'aurait pas vraiment n'ajouterait rien de cliniquement très pertinent. C'est une façon de faire une thérapie cognitive et comportementale. Vraiment, voilà, on voit cette stimulation par les yeux, qui est dans le mot EMDR, c'est le E de EMDR, c'est le I. Et ben, c'est pas utile à ça. Donc, en dépouillant, peut-être que, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que, on fait là quelque chose qu'on fait déjà par ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui contribue. Est-ce que ça contribue vraiment beaucoup ou pas? Ça reste encore à évaluer. Oui, Bruno Falissard. Oui, alors là, on touche, avec les psychothérapies, on touche quelque chose de très particulier parce que ça a été très étudié et c'est très non médicamenteux par définition. Et d'ailleurs, là, la question du placebo ne se pose pas. Il n'y a pas de placebo de psychothérapie. Il y a un groupe contrôle, mais ce n'est pas un placebo. Alors après, certains collègues s'interrogent sur, effectivement, qu'est-ce qui marcherait de spécifiquement dans une psychothérapie, et donc du coup, on pourrait dire, telle psychothérapie marche mieux que d'autres. Alors, c'est en partie vrai, mais dans le détail, c'est fantastique, tout est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour traiter un trouble anxieux, il y a une technique qui s'avère efficace, qui est l'exposition, qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, si vous avez peur des araignées, on va vous mettre d'abord un dessin d'araignée, vous allez avoir très peur, et puis on va vous montrer qu'au bout d'un certain temps, vous avez moins peur. Eh bien, on s'est rendu compte que les psychothérapeutes d'inspiration psychanalytique, sans s'en rendre compte, quand ils ont un patient anxieux avec eux, ils utilisent aussi indirectement une méthode d'exposition. Et donc, en fait, ce qui paraissait être spécifique d'un soin, en fait, les soignants d'autres soins se l'approprient également. Et vous voyez, quand vous parliez de l'efficacité et de montrer l'efficacité, du coup, c'est très compliqué là aussi de montrer qu'une thérapie est vraiment efficace par rapport à une autre. On peut y arriver, mais c'est plus difficile qu'on ne le penserait. Il y en a une en tout cas qui montre son efficacité de façon aussi avérée. On peut parler de l'hypnosédation. L'hypnose, oula, pour la sédation, on voit bien que ça marche, c'est mesurable. Parce que c'est quantitatif et c'est un petit peu tout l'enjeu. Et c'est là où c'est très différent avec les TCC, c'est le fait que donc on va être anesthésié et on va regarder la quantité d'anesthésiant qu'on utilise et on peut aussi mesurer la qualité du réveil. Donc ça, c'est d'aspect plus qualitatif. Mais en fait, quand on veut mesurer quelque chose, c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que quand on a un aspect chiffré, c'est toujours plus simple. Mais c'est pas parce qu'on l'a pas que ça prouve rien, en fait. C'est un peu l'enjeu. Pour le reste de l'hypnose, il y a une partie qui sont des hypnothérapies, donc là, qui touche plutôt au TCC. Il y a aussi la question pour arrêter de fumer. Donc ça, il y a un énorme engouement. Bon, pour l'instant, les études vont pas vers le fait qu'il y ait d'efficacité spécifique, en tout cas, de cette question-là. Et puis, donc il y a ces questions-là d'hypnose. Et la sédation, du coup, a une place un petit peu particulière, en fait, dans ce domaine-là, justement parce que c'est quantitatif et parce que c'est plus facile, en fait, à mesurer. Florent Gouttier ? Non, on parlait de l'EMDR tout à l'heure. On l'a quand même... Dans ce livre, on n'a pas trop parlé des théories de l'esprit, des théories sur les troubles psychologiques. On a quand même conservé l'EMDR parce que elle est utilisée par beaucoup de pseudo-thérapeutes, des gens qui pour faire plein d'autres choses. Et on sait qu'il y a une application, les troubles, le stress post-traumatique, le traitement du stress post-traumatique de l'adulte sur lequel il y a des résultats. Mais alors, quand on vous propose ça pour des choses qui n'ont rien à voir, et ils vous proposent ça pour des choses vraiment très très très très différentes, là. La méfiance. Alors, autre cas particulier, l'acupuncture. L'acupuncture a une efficacité pour certains symptômes, comme les douleurs lombaires, et peut-être aussi sur la neuropathie. L'un des effets indésirables en chimiothérapie, c'est le sujet du reportage du jour. Et c'est avec vous, Natacha Demoule. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, la neuropathie est un effet indésirable dans la chimiothérapie à l'oxaliplatine, utilisée pour les cancers digestifs. Elle détruit l'extrémité de certaines fibres nerveuses, elle provoque des picotements et des engourdissements au niveau des orteils et des doigts. Est-ce que l'acupuncture pourrait aider à lutter contre ? C'est ce que va évaluer le projet Acupox, coordonné par Emmanuel Kempf. Elle est médecin oncologue médicale à Henri Mondor, l'un des hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et elle s'est formée à l'acupuncture. Nous voilà donc dans sa salle de consultation, les aiguilles sont sorties, et elle est prête à recevoir l'une de ses patientes. Bonjour Madame Buton. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Très bien, merci. On y va? On y va. Allez, c'est parti. On va faire ça alors, donc on fait comme la dernière fois. D'accord. Donc j'y vais, hop, je pique. C'est déjà cette sensation, c'est vrai, hein, ça pique. Hein. Okay. Oui. Donc la docteure a sorti des aiguilles assez courtes, un peu couleur bronze, avec seulement une petite pointe de 1 cm au bout. Et elle les positionne à des endroits bien précis, pour le moment, sur les pieds. Donc je passe au pied droit. Mm-hmm. Est-ce que vous sentez une douleur ou un picotement au moment de l'aiguille ? Oui, un picotement, ça fait un peu mal, mais après, on ne sent plus rien. Et vous aviez déjà fait de l'acupuncture avant ou c'était... Jamais. Jamais, c'est la première fois. Et donc vous aviez quelques doutes, on va dire ? Non, pas du tout. Tous les médecins que j'ai pu croiser, les oncologues et tout ça, prennent en compte notre qualité de vie aussi. C'est ça qui est important, en fait. Donc là, la docteure Kempf a fini de placer les aiguilles au niveau des pieds. Ça fait un drôle d'effet, un peu porc et pique, de petits points qui sortent un peu partout. Et ça fait finalement beaucoup d'aiguilles, presque, je dirais, à vue de nez, une vingtaine, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez un peu de musique, Madame Buton ? Ça oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? C'est très jeune, j'ai bien aimé. C'était bien, madame. Ok, ouais. Donc on va mettre ça avec un peu de pub hein, de YouTube. Ça oui, mais bon, ça c'est pas très grave. On se voit tout à l'heure ? Ouais, tout à l'heure. Merci. Donc là, la séance se finit et on laisse la patiente se reposer tranquillement avec les aiguilles pendant une petite demi-heure. Donc, ce à quoi on vient d'assister, c'est l'une des séances du protocole Acupox. C'est un protocole qui vise à évaluer l'efficacité de l'acupuncture dans certaines conditions. Les patients qui sont atteints de cancer digestif sont principalement traités avec une molécule de chimiothérapie qui s'appelle l'oxaliplatine et qui induit une toxicité qui va empêcher la poursuite de l'administration de la chimiothérapie. Le problème, c'est qu'en diminuant l'administration de la chimiothérapie, on perd en vitesse dans la lutte contre le cancer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette toxicité, elle est assez pernicieuse puisqu'elle peut s'aggraver à distance de l'arrêt de la chimiothérapie et, quand elle s'aggrave, occasionner des pertes de sensibilité et du coup de la perte de fonction avec des patients qui peuvent nous dire qu'ils n'arrivent plus à écrire, qu'ils ont du mal à conduire leur voiture ou lâchent des objets dans la vie du quotidien. Et donc c'est pour lutter contre cette neuropathie que vous avez pensé à utiliser l'acupuncture. Mais alors comment ça vous est venu cette idée ? Parce que ça peut sembler une idée très étonnante au premier abord. Alors l'idée n'est évidemment pas la mienne. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées pour essayer de trouver des médicaments pour traiter cette toxicité. Aucun essai thérapeutique n'a vraiment montré l'intérêt d'une molécule médicamenteuse pour cette toxicité. Et il se trouve que les pratiques d'acupuncteurs, comme par exemple le docteur Janin et également le docteur Nan, ont montré qu'en allant stimuler certaines zones du corps par la pose d'aiguilles d'acupuncture, eh bien, il y avait une stimulation de la cicatrisation nerveuse et une amélioration des symptômes des patients. Et ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que c'est le soin lui-même en général qui est évalué en fait. Exactement. Les patients sont tirés au sort. Soit ils bénéficient du programme d'acupuncture d'emblée de façon hebdomadaire pour 6 séances, soit ils sont tirés au sort dans l'autre bras qui leur propose le programme à partir de la 7e semaine. Pourquoi avoir fait ce choix et pas le choix par exemple d'utiliser des plus petites aiguilles ou bien des aiguilles qu'on piquerait à côté des points d'acupuncture classiques ? Alors merci de cette question qui est très pertinente. Elle nous a fait travailler sur un plan méthodologique quasiment pendant un an avec l'équipe de méthodologistes qui sont spécialisés dans la qualité de vie et son évaluation statistique en cancérologie, l'équipe de Besançon. C'était important pour nous d'être dans une approche pragmatique et de nous comparer à la prise en charge standard des patients sans forcer une comparaison avec une pratique qui ne se fait pas. Et en fait, personne ne pratique l'acupuncture placebo. Et donc, comme on avait vraiment envie de coller à la réalité, on laisse le choix au praticien, à l'oncologue référent, eh bien, de gérer la toxicité de neuropathie comme il le fait, puisque cette étude est multicentrique avec des pratiques de traitement de la neuropathie qui peuvent varier d'un centre à un autre. Et donc l'idée, c'est vraiment d'axer autour de la qualité de vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette idée que la patiente elle-même a évoquée ? Oui, l'idée, c'est en fait de donner la parole au patient dans l'évaluation de la toxicité dans son quotidien. Et comme chacun réagit à sa façon en fonction de son éducation, de ses échelles de valeurs et de ses représentations très différentes, l'idée, c'est de pouvoir évaluer au plus proche, à l'écoute du patient, l'impact au quotidien d'une même toxicité. Et à ça, vous ajoutez quand même certaines mesures objectives concernant l'état des nerfs, en fait. Comment est-ce que vous allez relier ce résultat à celui qui porte sur la qualité de vie évaluée subjectivement ? Alors l'idée, c'est justement d'articuler un rapport, un constat subjectif rapporté par le patient lié à la qualité de vie à des métriques quantitatives et objectives plus scientifiques en lien avec la qualité de la conduction nerveuse et les perturbations provoquées par la chimiothérapie. L'étude, elle sert également à essayer de faire s'articuler la culture des acupuncteurs, qui est une pratique aujourd'hui principalement libérale et qui est accessible à certains patients qui peuvent bénéficier de mutuelles qui en remboursent les frais, mais qui n'est pas encore aujourd'hui intégrée de façon systématique au niveau du service hospitalier. Vous avez passé un bon moment ? Oui, j'étais en train de m'endormir. Je vais couper la musique, du coup. On reverra Barbara la semaine prochaine. Merci Natacha Domoul pour ce reportage. Bruno Falissa, une réaction à ce qu'on vient d'écouter ? Oui, très intéressant. D'abord, le récit de cette patiente, en termes scientifiques, ça relève d'un protocole de cas unique. C'est-à-dire, c'est un fait, un sujet reçoit un soin, elle en est contente, et quelque part, il y a une forme, pas de guérison, parce que c'est un cas clinique très particulier. Et ça existe, on fait les protocoles de cas unique. Alors, après, l'acupuncture, c'est un domaine extraordinaire parce qu'en fait, derrière la Chine, il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup d'études. Du soft power. Et en fait, donc, il y a des études où on pique avec un semblant d'aiguille, etc. C'est très astucieux. Donc, on fait une vraie fausse acupuncture. Et globalement, la vraie fausse acupuncture, ça ne marche pas. Voilà. Donc, en fait, l'histoire des méridiens, où on piquerait à un endroit bien précis en fonction, c'est plus une métaphore de quelque chose plutôt qu'une réalité biologique. Je crois que c'est quelque chose d'acté aujourd'hui. Néanmoins, l'acupuncture peut faire beaucoup de bien à certains patients, et c'est le cas de cette patiente. Et ça aussi, c'est une réalité clinique. Alors, comment est-ce qu'on évalue l'acupuncture ? Effectivement, il y a deux façons de faire. Si on veut comparer, moi, là, dans ce reportage-là, quelque chose qui m'a surpris, c'est que dans la méthode employée, elle n'est pas aussi rigoureuse qu'on le voit dans beaucoup d'études. Là, on ne sait pas trop ce qu'on compare. On compare une personne qui reçoit sont un soin, et des personnes qui recevront leur soin plus tard. La méthode qui est préconisée, c'est de comparer quelqu'un qui reçoit un soin et un soin extrêmement comparable. Donc, soit ce que disait Bruno Falissard, un simulacre d'aiguilles, des aiguilles rétractables qui font semblant de s'enfoncer dans la peau, et on voit, pour des gens qui ont une prise en charge, un ensemble de prises en charge, ça veut dire être reçu, écouté, etc., est-ce qu'il y a une différence. Autre façon de faire pour tester l'acupuncture, piquer ailleurs que sur les méridiens. Et là, ça, c'est même pas fait, donc on ne sait pas ce qu'on compare. Moi, je serais intéressé de savoir si piquer où on veut, piquer à droite, piquer à gauche, a un effet qui est indépendant, qui existe, et qui est comparable si on pique sur les méridiens. C'est précisément ce qu'on a vu sur la seule indication de l'acupuncture pour laquelle il y a un effet, c'est donc les douleurs du dos. Voilà, on voit que comparé à des aiguilles rétractables, eh ben ça fait quelque chose. Mais ça fait quelque chose peu importe où on pique. Et on a une hypothèse explicative qui est assez ancienne, qui est plusieurs hypothèses explicatives. L'une d'elles, c'est que planter des aiguilles, ça va créer une inflammation locale, une réaction physiologique, des substances qui vont être excrétées par le corps avec un effet antalgique, mais pour toutes les autres, il y en a une soixantaine qui ont fait l'objet de méta-analyses, 60 indications différentes, de l'arrêt du tabac, aux nausées, ou quoi que ce soit. Le fait de piquer n'a pas d'effet, et donc on est dans autre chose, qui est ce qu'on va appeler les effets placebo. Justement, par rapport à ça, pour prolonger toutes ces questions-là autour de l'acupuncture, Alexandra Delbo, on a de toute façon en cancérologie une prise en charge médicale supplémentaire, en plus du soin en cancéro. Quelle que soit cette prise en charge supplémentaire, ça aide le stress. Il y a un enjeu en fait autour du stress, et c'est là où on sait que l'aspect quantitatif est difficile à évaluer et qu'on va toucher à l'aspect qualitatif. Quand on voit que l'aromathérapie peut avoir un effet sur les nausées en fait pour des personnes qui sont sous chimiothérapie, on y va. En fait, on fonce. La question, quand on est malade, en fait, notamment quand on a des cancers, parce que c'est quand même une maladie qui est très diverse, mais aussi très courante, c'est de se dire, je n'arrête jamais le traitement que je suis en train d'avoir. C'est vraiment, je pense, le fondamental s'il faut retenir quelque chose, et se dire, on prévient toujours ces médecins qu'on est en train d'essayer ça ou d'essayer ça. Je pense pas qu'un oncologue ou une oncologue dira un moment à son patient, non, ne tentez pas des choses qui puissent vous faire du bien pour amoindrir les symptômes que vous pouvez ressentir en fait, pendant le traitement de cette maladie. La popularité de l'expression médecine alternative et complémentaire, même si on a dit que c'était pas forcément de la médecine et que le mot alternatif posait problème, le complémentaire, finalement, la chose qu'il faut retenir, c'est que si on veut y aller, ça doit être en complément des pratiques de soins conventionnels. Si ça devient une alternative, c'est là où ça devient vraiment dangereux. Justement, on arrive à la fin de cette, en dernière partie de cette émission. On reparle des dangers. Quand même, les signalements de mauvaises pratiques sont en hausse. Selon le dernier rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le Mivilude, les saisies pour dérives sectaires ont bondi avec la pandémie de Covid-19. Près de 20% d'entre elles ne concernent que le domaine de la santé et du bien-être. Bruno Falissard, comment mieux encadrer, mieux contrôler les MAC? Eh bien, il faut en parler. C'est ce qu'on fait là. Et puis, il faudrait quand même réaliser que c'est authentiquement un problème de santé publique. C'est-à-dire, c'est une organisation du système de soins, c'est une régulation du système de soins, et que ça, normalement, c'est à l'État de s'en occuper. Et aujourd'hui, l'État fait l'autruche. Alors que dans d'autres pays, ben, il y a plus de pragmatisme, et ça se fait. Alors pourquoi en France, ce n'est pas pareil? Parce que, ben, on est la patrie de Descartes, de Claude Bernard, de Pasteur, et c'est très bien, j'en suis très fier, mais du coup, des soignants un peu bizarres, ben, on se bouche le nez en les regardant, et, ben, ça n'empêche pas les patients d'aller les voir, et si ça leur fait du bien, moi, je peux pas leur jeter la pierre. Donc, il faudrait regarder les choses en face, et il faudrait dire, ça va pas, on s'occupe pas de ça, n'importe qui peut faire n'importe quoi, on surveille pas comment sont formés les soignants, enfin, c'est juste le début de donc, tout est à faire, et il faut le faire. Très rapidement pour conclure, Florian Gouttière. On parlait des dangers, des dérives. Là, quand on va et des risques qu'il y a, il y en a un autre qui semble, qui est souvent oublié, c'est qu'on dit faire quelque chose en plus ne pose pas de problème. Eh bien, c'est pas toujours vrai. Typiquement, quand on va avoir des coupeurs de feu pour nos radiothérapies, les patients sont satisfaits. Il y a des évaluations de ça. Ils ont l'air d'aller très bien. Sauf que quand on évalue, ils vont moins bien. Ils vont moins bien sur des données objectives, physiologiques, parce que, qu'est-ce qu'il y a? La fatigue d'aller voir ces personnes plusieurs fois par semaine, etc. Donc, il faut se méfier aussi, de dire, oh, ça va, c'est complémentaire, ça ne peut pas faire de mal. Ça fait partie des choses qui peuvent poser problème. Merci, on est arrivé à la fin de cette discussion et comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science que vous présentez Alexandra Delbo chaque matin au micro de Guillaume Herner. Étrange de s'écouter. Donc c'est tous les matins, voilà, et puis c'est tous les jours, ici, à 16h53. Je rappelle quand même à nos auditeurs que votre ouvrage « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» vient de paraître aux éditions Les Arènes. Merci à vous trois, c'est la chronique avec science. Quels sont les progestatifs associés au développement de méningiome? C'est un des risques déjà identifiés pour des anciens traitements hormonaux comme l'androcure, connu aussi sous le nom de Diane 35, ainsi que le luténil ou encore le lutéran. Ces médicaments contiennent un dérivé de progestérone. Ils sont utilisés depuis une dizaine d'années pour contrer notamment les effets de l'acné et de l'endométriose et ont été détournés de leur usage comme contraceptifs, c'est-à-dire que ce n'était pas leur indication première. Et progressivement, des études ont pointé une association entre ces molécules et le développement de tumeurs cérébrales bénignes appelées des méningiomes. Noémie Roland est médecin épidémiologiste à EPIFAR, un groupe chargé de l'évaluation des produits de santé de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, et de l'assurance maladie. Elle est l'autrice principale de cette nouvelle étude. C'est très fréquent, hein, c'est les tumeurs les plus fréquentes au niveau du système nerveux central. Elles sont à majorité bénignes, mais elles peuvent grossir et donc comprimer les structures cérébrales qui sont adjacentes et donc créer des symptômes. Donc parfois, même si elles sont bénignes, même si elles ne sont pas agressives, ben il faut quand même les opérer. On savait depuis longtemps qu'un des facteurs de risque d'avoir un méningiome, c'est être une femme. Donc on pouvait soupçonner le fait que les hormones sexuelles féminines aient un impact dans la formation et dans l'évolution, le développement de ces tumeurs. En observant les grossesses, par exemple, pendant la grossesse, les méningiomes, ils ont tendance à augmenter de volume. Et puis, une fois qu'on a accouché, les méningiomes ont tendance à diminuer de volume. Et puis, depuis une dizaine d'années, des équipes neurochirurgicales en France se sont aperçues que les méningiomes qu'ils opéraient étaient souvent exposés à certains progestatifs. Ce sont les trois déjà cités, des progestatifs très hautement dosés, pris parfois pendant longtemps. La première alerte pharmacologique remonte à 2004. L'agence du médicament est dorénavant accusée d'avoir tardé à réagir. Selon les informations des confrères et consoeurs du journal Le Monde, deux demandes d'indemnisation ont été déposées le 7 mars dernier devant le tribunal administratif de Montreuil. Mais y en a-t-il d'autres? Des progestatifs moins dosés peuvent-ils présenter le même risque? C'est la question que s'est posée un comité constitué par l'ANSM et l'assurance maladie et qui a abouti à ces travaux parus dans le British Medical Journal. Il s'agit d'une analyse rétrospective de 18 000 femmes opérées d'un méningiome intracrânien entre 2009 et 2018. L'enjeu est donc d'étudier si elles ont eu recours à une liste de 7 progestatifs. Résultat, 3 d'entre eux sont associés à un surrisque de survenue de ces tumeurs cérébrales bénignes. Nous retrouvons un risque de méningiome intracrânien pour les femmes qui ont été exposées plus d'un an à l'amédrogestone, qui est un traitement hormonal contre la ménopause, à la promégestone, également un traitement hormonal pour la ménopause, et à l'acétate de médroxyprogestérone. Alors ça, c'est un contraceptif très particulier en injection intramusculaire qu'on fait tous les 3 mois, très peu utilisé en France, mais très utilisé dans le monde. Et donc, dans ces risques, on retrouve un risque de méningiome multiplié par 4 pour la médrogestone, multiplié par 2,7 pour la promégestone et multiplié par 5,6 pour la médroxyprogestérone. On n'est pas dans les mêmes risques que les macroprogestatifs dont on parlait au début, c'est-à-dire que les 3 macroprogestatifs qu'on connaît comme ayant un risque très important de méningiome intracrânien ont des risques de méningiome multipliés par 24, par exemple, pour l'androcure. N'empêche que dans les 3 progestatifs qu'on retrouve à risque, ce ne sont pas du tout des risques négligeables, encore une fois quand l'utilisation est prolongée, c'est-à-dire supérieure à 1 an. Bonne nouvelle tout de même, la progestérone en comprimé, très fréquemment utilisée, ne présente pas de surrisque. Le lévonogestrel en stérilé non plus. Impossible de conclure en revanche pour le dianogest de la marque Visanne, tout simplement parce que l'étude se base sur des données provenant de l'assurance maladie et ces médicaments sont remboursés depuis trop peu de temps pour conclure. Pour les autres, dont le surrisque est avéré, une surveillance va être mise en place sur le temps long et les recommandations sont les mêmes que pour les progestatifs à haute dose, à savoir réduire au maximum les indications d'usage et effectuer un suivi par imagerie selon la durée du traitement. Reste toujours à comprendre le mécanisme causal à l'origine de ces méningiomes. On ne sait pas encore si les progestatifs créent ces tumeurs ou les font seulement progresser. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchon, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.